aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5 et aujourd'hui je suis avec Victor. Bonjour Victor, comment ça va? Bonjour Jade, ça va très bien, salut tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 parce qu'on va parler des actus que vous avez pu manquer dans le mois. Aujourd'hui on rattrape le mois d'avril. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. When you love someone, you do crazy things. What are you looking for? A kitchen knife. What for? To stab you with. Oh, you like to think you're stop for it. Why are you and Villanelle so interested in each other? It's closer to the truth to say. Can't get enough, you know you're gonna have to face it, you're addicted to. Et d'ailleurs, il y en a du rattrapage à faire parce qu'on a été complètement absent ce mois-ci, pardon. Mais l'émission, elle va arriver très bientôt. Et est-ce qu'on dit sur quoi ça va être? Ça parle de skateboard, de combini. Et des années 96, ou je sais pas, le milieu des années 90. Le milieu des années 90, si vous avez la logique titre québécois, vous allez trouver... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, en ce très joli mois d'avril? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du cinéma? Des bandes annonces attendues, déjà, qui ont déboulé. On en a eu pas mal, mais on va revenir sur quelques-unes seulement. On va parler peut-être du grand événement qui a attiré des milliers de fans qui ont brandi leurs sabres laser et autres masques. Tu parles de Star Trek? Ouais, voilà, Star Trek. Avec Black Mirror, tout ça, les trucs de... Ouais, je comprends. On parle évidemment de Star Wars 9, de... Quel est le titre? L'ascension de Skywalker, c'est ça? L'ascension des Skywalker. Si vous n'avez pas vu cette bande-annonce, enfin, c'est plus un teaser qu'une bande-annonce. Eh ben, allez la voir tout de suite parce que moi, j'ai eu les poils. Toi, t'as kiffé ou pas cette bande-annonce? Parce qu'il y avait beaucoup de c'est pas comme avant, ou alors c'est trop comme avant. Enfin, il y a toujours des détracteurs. On vous aime quand même. Surtout que nous, on en connaît bien et on les aime quand même. Mais moi, c'est toujours sympa de voir un trailer de Star Wars arriver. Ça met les fans en ébullition, comme à chaque fois. On en parle pendant tout le petit week-end qui en suit. C'est là l'abondance, on a donc un petit condensé de grand spectacle. On s'interroge sur ce qui va se passer, on a grave hâte de voir Rey défoncer des vaisseaux spatiaux comme elle le fait dans ce teaser façon Rodriguez. On embrasse Elise Moon et Frog Dubosc. Il y a Oscar Isaac qui est toujours aussi classe. Oscar Isaac, voilà, on l'aime. On pleure devant Carrie Fisher et on espère... Ouais. Moi, j'espère, en tout cas, mais je pense que toi aussi, que J.J. Abrams, il va troller tous ceux qui espèrent un retour aux sources après The Last Jedi. Parce que oui, alors c'est mignon, Palpatine, les ruines de l'étoile de la mort et tout ce que tu veux, mais je sens que J.J. Abrams a limite préparé tout ça pour envoyer valser toutes les Ouais, attentes moi possibles. j'aimerais bien vraiment qu'il conclue cette trilogie en vraiment concluant tout, enfin genre toutes les deux trilogies d'avant, et en disant bah c'est fini quoi, c'est bon, il y aura plus spoiler alert, si vous avez pas vu les deux d'avant, il y a plus Han Solo, il y a plus Luc, Luke, et il y aura plus Carrie Leia, vu Fisher, que peut-être, je sais bah pas. elle Hollywood est et la décédée quoi. technologie, Oui, mais bon, voilà, Black Mirror je encore. suppose que chaque personnage du trio original va mourir dans, enfin c'est la suite logique quoi, et que du coup il va conclure vraiment tout le reste, donc Palpatine, les machins, les Ouais, trucs, mais les je crois qu'il pouvoirs. va ramener les Stark et les Lannister quand même. Voilà. Je voulais pas en parler parce qu'il y a eu, aussi ça ce mois-ci, mais bon, c'est pas du cinéma, on en parlera pas, l'excuse bidon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Star Wars d'ailleurs, en vrai, ça faisait longtemps qu'on attendait la bande-annonce. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire oui, fin du mois de décembre, mois de décembre rien, Rien. fin du mois de janvier, toujours rien. Ils n'arrêtaient pas de nous en parler et tout, et puis au final ils ont fait un grand Bah c'est comme de chaque année, hein, le genre Star Wars Celebration. de panel ou je sais pas quoi, où Voilà. il y a tous les acteurs, ils reviennent, ils sont tout beaux, tout fringants et tout, et puis ils sont trop fiers. Et on a la bande-annonce à la fin, enfin le teaser à la fin de ce panel, et c'était super cool. Y a qui? Dans ce Star Wars 9, on a parlé de Oscar Isaac, on a parlé de Carrie Fisher, Il y mais a... enfin, il y a qui ne sera plus dans Star Wars maintenant? Alors, je vois comment tu veux manier ta J'ai du superbe mal à faire transition, cette transition. mais il y a Mark Hamill qu'on retrouve aussi dans un des trails d'autres événements de la pop culture au cinéma, qui est le remake de Chucky, Child's Play, en version originale, mais aussi version française. Ils ont gardé C'est bien la le première titre fois. original. Le trailer, après un teaser qui était apparu en février, là, il y a une bande-annonce qui montre plus de choses qui est arrivée. Et moi, ce remake, pardon, de Chucky, C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est un remake ou c'est une suite? c'est un remake. Alors, en Comme fait, un peu comme Jumanji? y a eu en fait, il faut le voir dans les soucis de droit qu'il y a eu, parce qu'à la base, Chucky s'est créé par Don Mancini, et Don Mancini, il a eu un peu les boules, en fait, de voir qu'on redonnait les droits d'une licence qu'il a créée, parce que Chucky, c'est une franchise, ça a eu 7 films, quand même, ce qui est pas dégueu pour une licence d'horreur. Et alors que lui, il doit galérer pour continuer le projet qu'il a fait depuis des années, et qui maintenant est redistribué ça va être une série pour sci-fi. De quoi, quel La, projet la, Chucky? la, le Chucky de Don Mancini, donc l'original, on va Il va y dire. avoir une série sci-fi Chucky? Il va avoir une série sci-fi Chucky avec la clique d'origine, hein, Oh, je savais Brad pas. Dourif, Jennifer Tilly, ben Don Mancini aussi. Et il a un peu les boules de voir qu'on va, alors que lui galérait pour continuer à faire ses idées en film. Faut savoir que les deux derniers Chucky sont des direct-to-video qui sont pas dégueux. Regardez d'ailleurs, la Curse of Chucky est vraiment cool. Et il y a un peu les boules de voir qu'on donne de l'argent pour faire un remake et réadapter sans qu'il ait Tu son mot à m'étonnes. dire, en fait. Tu m'étonnes. Donc ça va être d'après une licence Ah ouais, ok, d'accord. originale créée par Don Et lui, il Mancini. aura rien, quoi. Et voilà, c'est ça. Mais c'est quand même un projet que j'attends énormément, parce que faut savoir, là c'est un peu 36 cases raconte mon enfance. Dans ma cinéma, c'est Chucky, ça a une place assez importante, parce que c'est lui qui m'a fait rendre compte que le cinéma d'horreur existait. Et que les poupées, c'était effrayant. Voilà, et qu'il a réussi à me traumatiser toute ma C'est clair. putain d'enfance, parce que il est tout ce que les garçons et les filles ont, une poupée, et une poupée qui, sauf que cette fois-ci, elle tue. Et non pas dans le sens, oh mon Max Steel, il tue tellement il a la classe, il a plein de gadgets. Non, non, Mon action man. Mais là, t'imagines, Chucky serait un action man ou une Barbie, ça aurait été mais encore plus ça, c'est flippant. ça, ça. Alors, Ça aurait pour été voir ça, il génial. faut regarder le film de Joe Dante, Small Soldiers, qui est exactement, Oui. c'est exactement ça, et c'est trop cool. Et bah non, pas là, c'est ne tue pas parce qu'elle a la classe, parce que comme son incroyable sous-titre français dit, c'est la poupée du mal. Avec autant de A, avec plein de A. Non, ça c'est moi qui en Mal! Ça rajoute. aurait été trop Ça c'est moi marrant! qui en rajoute. Et donc ce remake, au vu de la bande-annonce sortie, semble nous proposer un Chucky robot, cette fois-ci Bah 2.0. oui, ouais, comme Il a un... plein de gadgets, hein, on est trop dans le turfu d'un Black Mirror, Charlie Brooker. Donc pourquoi pas un Chucky robot 2.0 qui a plein de gadgets, qui est connecté, c'est un peu une Ouais, c'est un Google Home. peu... Oh putain, c'est un peu comme Jumanji où c'est devenu un jeu vidéo. Voilà, c'est ça en fait. Et donc forcément là, c'est un Chucky Reboot Robot 2.0, ça rime. Et il ne sera pas doublé, non pas cette fois par Brad Dourif, que j'embrasse. Je le connais pas personnellement, Bah, mais on lui fait des bisous, on aimerait bien qu'il voilà. vienne. On Voilà, parce que l'invite. Brad Dourif, c'est Voilà. un peu un second couteau génial du cinéma américain, avec ses gros yeux écarquillés, complètement démoniaques. Hein. Donc, hashtag Blue Velvet, hashtag Alien Resurrection pour toi, Jade. Putain, beaucoup de hashtags, mais Et oui. hashtag Werner Herzog. Oh mon Dieu. Et il sera donc doublé par Mark Hamill. Oui, d'abord, parce qu'il Voilà. faut revenir Donc au tout revenir à la départ de cette transition. transition ratée. Et ça, c'est genre parfait parce que Mark Hamill, alors ok, on le connaît tous pour ce petit rôle pas très connu de Luke Skywalker, Un petit Texas Ranger. Finlandais. Voilà, il fallait la faire. C'est un excellent comédien de doublage en fait. Il a doublé le Joker d'ailleurs Voilà, il dans... a le Joker dans les séries animées Batman. Il s'est doublé lui-même dans son propre rôle dans l'épisode Homer garde du corps de la saison 10 des Simpsons. La référence sûre des Simpsons, c'est vite, hein. Voilà. Je pense qu'il réussira à incarner le sadisme et la jubilation que peut avoir Chucky. Surtout qu'il l'a même déjà fait dans un sketch pour la série animée Robot Chicken. Ah, c'est cool, Robot Donc c'est Chicken. assez rigolo. Moi je pense que. Plus moi c'était vraiment une question qui me. Oui, moi je me souviens, tu Qui. faisais des pronostics et Voilà, tout. genre qui va doubler Chucky maintenant parce que ce sera plus Brad Dourif. Enfin, Brad Dourif sera dans la version déclinaison série de Chucky. Mais ça aurait pu être. Moi j'étais parti sur un Michael Shannon, ça aurait eu de la gueule. Ouais. Bah, voilà, j'ai été surpris de voir Mark Hamill qui faisait Je sa trouve que ça petite lui va vidéo bien. Twitter en disant Salut, je double C'est trop un Chucky. tweetos. Maintenant, Il est la trop. question, qui Ouais. va le doubler en VF? Est-ce que ce sera toujours le superbe doubleur William Corin? Moi, je Ou. mise sur Franck Dubosc, on J'aimerais part sur bien un une Franck voix qui a Dubosc. rien à voir, tu sais, genre un Ryan Benzetti ou un Mais truc comme ça. Ça serait trop marrant. Ça serait super en flippant. vrai, quand tu vois Louane. les VF. Qui ça? Louane. Les VF de Chucky, contrairement à la version originale où c'est un peu plus grave et tout, ils donnent toujours une voix un peu enfantine, un peu sale gosse. Ouais, bah Bah, ouais. c'est William Corin pour ça. Il me semble que c'est lui aussi qui double, par exemple, si vous connaissez, c'est Michael Kyle dans Ma famille Ah d'abord oui, aussi. ouais. Donc ce côté un peu fou, moi je. Ou On va, on verra. un petit un petit Christian Clavier, hein. Ah, On dit jamais non à un non petit mais Christian Andy, je Clavier. vais te tuer là. Voilà, Il est là, il est là. il est là, Je vis Christophe le Clavier. film. Oui, bah regardez l'abondance de Chucky et hypez-vous si vous n'êtes pas traumatisé par les poupées comme moi, qui suis incapable de regarder cette abondance. Mais on parlait de Chucky actualisé en mode 2019, mais du coup, ça m'a fait penser à Jumanji. Mais dans Jumanji, il y a qui? Je fais encore des transitions rallonges. Dans Jumanji, il y a qui? Il y a Notre Kevin grande. Hart, il Non, y a Karen Gillian, Oh, Karen. il y Bon, je vais a reparler après. Mais il y a Jack surtout Black. notre grand amour de. Si vous nous écoutez depuis l'épisode 1, ce qui m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait fortement. Mais notre grand amour de toujours à Victor et à moi, c'est Dwayne The Johnson. Rock Johnson. Qui sera dans le magnifique film d'un. Un spin-off d'une autre franchise qu'on aime beaucoup qui est. Les Fast et le spin-off qui s'intitule Hobbs & Shaw. Et on a eu. Il y avait déjà une première bande-annonce Qui était charmé. qui est sortie, je sais plus quand exactement. Mais on a eu une deuxième bande-annonce ce mois-ci. Et comme on n'en a pas encore parlé, bah, je me suis dit, on va en parler maintenant. Et le truc bien, c'est que je l'ai pas encore vu. Du coup, vous allez avoir ma réaction en direct live. Oui. Oh là Pick a là. door. All right Mais then. c'est en No, anglais. that's my door. Pick another door. What's wrong with you? Non mais là tu vois déjà, You know what, you il y a de were la right. This is your bagarre. door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that Ils door? sont tellement littéraux dans ce qu'ils disent. C'est ce dame qui cache des culs, évidemment. Le jeu de sourcils de The Rock est phénoménal. Là, alors pour ça, pourquoi je viens de rire de Rock qui vient de baguer. Expliquez, parce que Jason Statham vient de casser la gueule à environ 10 personnes, genre solo tranquille, finger in the nose. The Rock le regarde et baille. Tellement il en est, tellement il est fatigué. Access granted. Putain, c'est génial. Access denied. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils refont vraiment le truc à la Tango et Cash ou à la Arme Fatale. Oula. Ouais. Pourquoi il y a Idris Elba sur tous les écrans de Piccadilly Circus. En très gros plan d'ailleurs, c'est pas forcément. We've got unfinished business. Your sister Kirby, took something from me. Le personnage boss. A virus. Wipe out half the population, and I want it back. You wanna tell me just what we're dealing with here? It's my sister, family business. When it's the fate of the world, it becomes my business. This whole thing sounds really dodgy. C'est avec Hélène Mirren qui joue la. Attends, c'est Hélène Mirren, elle est en prison là? Bah oui. Pourquoi elle est genre, elle a genre un costard rouge du maquillage, des boucles d'oreilles alors qu'elle est en tôle? Elle a aidé les gentils. Oui, mais pourquoi enfin, elle a aidé les gentils pourquoi dans le. Pourquoi il l'autorise à avoir une full face of make-up, des boucles d'oreilles, une trop belle tenue? Parce que l'argent. C'est vrai, c'est une grande réponse. The only way we survive is working together, like a team. Let's do this. Buckle up, fat boy. On my three. One. Woo! Hey, you see the look on his face? You have no idea how long I've been waiting to do that. By an army of mercenaries. Led by a genetically enhanced soldier. Look at me. I'm Black Superman. You're crazy. On voit tout de suite quand ça commence. Oui, mais ça, c'est. Et moi, c'est bien. C'est qu'on voit tout le film, mais on comprend quand même pas c'est quoi l'histoire. Voilà. Juste qu'il y a de la bagarre. De là, on a du rock chez lui. Ah, ça, c'est trop bien la fin. C'est ce que le. Ah, c'est trop bien ça. Le public voulait avoir depuis longtemps la famille de Hoff. Cars and guns. Là, il y a plein de. Oh putain. Mama, where's all our guns? I can't read of them. Very noble, Mrs. Hobbs. We were in serious trouble. J'aime bien aussi le côté Statham qui faillote un peu. Oh putain, mais leur jeu de sourcils et de regard, c'est tellement over the top. Well, alright. Il y avait trois voitures, c'est plus des camions, accrochés les uns aux autres avec un hélicoptère accroché à ces voitures. C'est un domino day, quoi. Ah, oh, mais ça va être génial. Un domino day et l'émission de TF1. Domino day, c'était ma passion, domino day. Hobbs & Shaw, ça va être absolument génial. J'ai même pas fait gaffe à quand est-ce que ça va sortir parce que j'étais cet trop... C'est forcément. Meilleur blockbuster de l'été, ça va être le meilleur film de 2019, je vous le dis déjà. Donc avec... Peut-être qu'il aura la Palme d'Or à Cannes. Mais dis donc, ce serait pas une transition que tu m'offres là sur un plateau d'argent. Exactement. Mais oui, mais imagine Hobbs & Shaw en film d'ouverture à Cannes. Ça serait absolument génial. Mais non, parce que c'est quoi le film d'ouverture à Cannes cette année? C'est The Deads Don't Die de Jim Jarmusch. Un film de zombies, et ça va être absolument génial, dont on reparlera très certainement le mois prochain d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Cannes? Qu'est-ce que tu veux? Juste, attends, juste un dernier mot. Hobbs & Shaw, ça va être trop bien. Mais donc, oui, Cannes, on a eu l'annonce de la compétition, des films en compétition officielle, de la quinzaine des réalisateurs. La semaine de la critique. Enfin, de tous les films qu'il y aura à Cannes. Quoi. Voilà, tout à Victor, tu es notre expert, je ne sais plus parler, notre expert. Expert Miami, expert Las Vegas ou expert Manhattan? Expert Cannes, en l'occurrence. Wow. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'annoncé comme film à Cannes? Bah oui, parce que forcément, Cannes, moi, ça m'intéresse. J'adore vivre Cannes depuis Lille, en fait, pour le moment. Pour le moment, voilà. Alors, beaucoup de grosses attentes, hein. Déjà, les films, justement, comme je le vis depuis Lille, je voulais savoir quels seront les films qu'on aura au mois de mai pendant le festival, en même temps qu'à La Croisette. Oui, qui sortent en salle en même et temps. Et donc, on aura le nouveau film de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire, avec Antonio Banderas, qui a l'air d'être un portrait semi-autobiographique du réalisateur. Ouais. On a le nouveau film de Justine Triet, Sibyl, donc toujours avec Virginie Fiera. Évidemment. Avec après l'excellentissime Victoria. à ne pas confondre avec le plan séquence allemand, pas okay. très chouette. Pardon. Pas très chouette, je suis désolé. On va se battre. Film génial, regardez les deux films Victoria, mais l'allemand il est mieux. Il y a le film Le Jeune Ahmed des frères Dardenne, donc les frères Dardenne qui vont nous parler du djihad et du radicalisme. Bah écoute, c'est parti. Donc, et on aura aussi le film d'ouverture, donc The Dead Don't Die. Et le retour 50 ans après de ceux que vous attendez tous, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée pour la suite de Un homme et une femme de Claude Lelouch. Mmh. Donc est-ce que ce festival de Cannes sera Shabadabada pour vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, maintenant, mais parce qu'il y a deux trucs. Alors ça, voilà, il faut qu'on parle de l'actu. En dehors des films qui sortent en mode simultanément. Attends, avant, j'ai dit trois fois le mot avant. Il y a pas un film de Dupieux aussi pour ton plus grand Merci Jade de me le rappeler. C'est Quentin Dupieux. Toujours dans mon cœur. Quentin Dupieux, le Buñuel de la génération Combini. le Buñuel de la génération Combini, donc qui va rendre chez Bran des trucs qui ont été faits déjà il y a 30 ans. Il va revenir avec le Dain. Alors, à chaque fois, je vais me faire avoir hein, par Quentin Dubieux parce que le pitch. Il va un peu durer en vrai. Voilà, Jean Dujardin qui est avec Adèle Haenel et qui est obsédé par une chemise en Dain. Sa veste en Dain, oui. Sa veste en Dain, ouais, pardon. Pourquoi je me suis pris une veste là? Oh, elle est belle. Bah voilà, je sais pas. Moi, j'ai. Bah, c'est Dubieux, moi j'ai toujours. Je suis toujours curieuse et toujours hâte de voir ce que c'est. Après, on verra si on est, si on aime ou pas. Parce que je sens qu'on va plus être dupé que Dupieux, quoi. Voilà. Ça y est, il y a un film de Dupieux que t'as pas aimé tout de suite. Mais il est pas en compétition, il est en. Une ouverture de la quinzaine des réalisateurs. On aura en compétition officielle Xavier Dolan. Oui. Pour Mathias et Maxime. Je sais plus dans donc, vous nous avez écouté dire débattre, se battre même. On s'est battu après d'ailleurs, j'ai encore un œil au beurre noir. Ma vie avec John F. Donovan, bah là il revient à ses origines. Québécoise. Ce moment, tu sais, dans les films d'action, quand le héros a du mal à se retrouver, le héros d'action, il retourne dans ses terres pour s'entraîner. Quand vous êtes chaud. Comme dans une bande Show, The Rock retourne. Ou comme Thor qui retourne à Asgard, par exemple. Oui. Et. Bon, après, il y a des réalisateurs dont on n'a pas vraiment envie qu'ils soient là, mais ils vont être là au risque Est-ce d'être en là. Parle, donc, Ken Loach qui va encore nous voler la palme d'or après l'avoir volée à Richard Kelly. Il nous a volé notre recette. Voilà, Richard Kelly, Marina 2, Sofia Coppola, Pedro Almodovar. Bah, il revient encore pour nous sortir sa même histoire hein, depuis des années. Est-ce que... Je te sens un petit peu... Pas objectif. Non. Sur le coup. Et là, une chose incroyable. On parle de Elton John qui va venir pour la présentation hors compétition de Rocketman. Ouais. Mais moi, j'ai un peu hâte de voir. Un autre chanteur va faire son comeback sur le tapis rouge. Tu te souviens l'année dernière de Shaggy et Sting qui étaient là sur le tapis rouge et c'était surréaliste. J'adore. Bah là, on va avoir un autre chanteur des 90s. Ouais. Quelqu'un qui a chanté une chanson qu'on connaît tous dans la culture populaire. Si je te dis I like big butts and I cannot lie. Et Sir Mix-a-Lot va revenir. Je préférais que ce soit lui qui vienne à Cannes plutôt que la personne dont tu vas parler. Sir Mix-a-Lot va revenir, mais sous le nom d'Abdelatif Kechiche. Donc, pour sa suite de Make Up My Love, Intermezzo cette fois. Donc, si 3 heures de Kechiche qui filme des fesses. Et qui maltraite ses acteurs. Et qui maltraite ses acteurs et ses actrices. Va vous embête et bah préparez-vous parce que là gros délire 4 heures putain 4 heures de bah si vous voulez passer 4 heures de vos temps devant un film regardez Devdas c'est beaucoup mieux ça n'a rien à voir mais c'est 4 heures c'est tout comme donc 4 heures de Kechiche qui regarde des fesses ce sera ça, très certainement à l'heure où on vous parle ce n'est pas encore confirmé, mais presque. Ah, c'est pas sûr. Bah, en fait, il y en a plein qui disent que c'est sûr, mais on attend toujours l'annonce de Titi Frémaux et... Ah, ok, d'accord. Et ouais, ouais. Pierre Lescure, qui ont dit « Hey, Kechiche, je vais se ramener. » Pas très hashtag MeToo, déjà, tout ça. Hein. Pas... On aime les femmes. Regardez les réalisatrices. Pas très... Et regardez un... Pas très 50-50, pas très 50-50, comme ils ont dit, pour leur mouvement égalitaire, parité, 50-50. Donc, si on va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là. Si, si c'est ça, bad move, Titi. Désolé. Bah, bad move, ouais, non, mais... On va peut-être passer à nos recommandations du mois d'avril. C'est la solution de tous nos problèmes. Chérie, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence? Bah, commence. Ok, oui. On va commencer. Avant de parler de la série dont j'ai envie de parler, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'est un podcast. Et je viens de finir un jeu vidéo fantastique qui s'appelle Final Fantasy VII. Je ne connais pas, mais ça a l'air, ça a l'air d'être... Fantasy. Ça a l'air d'être fantaisiste. Merci. Non, j'y avais jamais joué, mais alors faut que je come clean... J'avais vu le film Final Fantasy VII Advent Children quand j'étais gamine avec ma sœur. Donc, dédicace à ma sœur si elle nous écoute. Et depuis, film que j'avais adoré, alors qu'il y a plein de gens qui disent que c'est de la merde en boîte, mais c'est des gens qui avaient joué aux jeux vidéo, et du coup, forcément, en comparaison, c'est peut-être moins bien, mais moi, j'avais adoré ce film quand j'étais gamine, et du coup, je criais sur tous les toits, n'ayant jamais joué à un seul jeu Final Fantasy de ma vie, que Final Fantasy VII, c'était mon préféré, juste parce que j'avais aimé ce film. Du coup, j'ai décidé de corriger ça, de corriger ce mensonge, et de jouer à Final Fantasy VII, et c'est un jeu exceptionnel. C'est 60 à 90 heures de masterclass sur le scénario, sur l'écriture, c'est fantastique, mais bref, c'est pas ça ma recommandation. Ma recommandation, c'est un podcast sur Final Fantasy, dans lequel deux mecs, qui sont scénaristes d'ailleurs, à Hollywood, jouent à tous les jeux Final Fantasy, et là, leur saison 4, qui vient de commencer ce mois-ci, est sur Final Fantasy 7, et c'est super drôle, c'est super intéressant, à la fois de les voir, enfin il y en a un qui connaît déjà les jeux et un qui découvre, et il y a tout, ils ont créé un peu vraiment une atmosphère un peu cocon, on a l'impression d'être avec eux, de jouer avec eux, ils ont loué un petit chalet dans la montagne pour aller jouer plusieurs jours à Final Fantasy VII, et ils racontent tout ça et tout, enfin c'est vraiment, c'est super drôle et c'est super intéressant et c'est... Ça fait du bien tous les jeudis d'avoir l'épisode. Ça a l'air d'être du Twitch en audio en fait. Mais oui, c'est ça en fait. Ils font un let's play, donc ils s'enregistrent en train de jouer au jeu. Et en même temps, ils s'enregistrent après avoir joué au jeu au montage où ils expliquent des trucs qu'on n'aurait pas pu bien comprendre, où ils font des vannes ou des trucs comme ça. Et c'est super cool. Et c'est pour un truc totalement indépendant, pas sans production, rien du tout. C'est vachement bien produit. Ma vraie, entre guillemets, recommandation. Plus cinématographique, c'est une série qui vient de commencer sa saison 2 en avril, que Victor connaît mais n'a pas encore regardé, parce que bien que je le tanne avec cette série depuis des mois, il n'y a toujours pas commencé. J'ai déjà la première saison en main, donc oui, c'est un début. Il faut la mettre devant tes yeux maintenant, il faut la regarder, il faut la consommer. Et cette série, c'est Killing Eve, une série formidable, adaptée de livres dont j'ai oublié le nom, qui raconte l'histoire d'une agente du MI6, il me semble, ou du MI5, enfin MI5 ou MI6, je sais plus, l'un des deux, et d'une serial killeuse qui s'appelle Villanelle. Et en fait, donc l'agente jouée par Sandra Oh, Christine dans Grey's Anatomy, va enquêter sur les références. Bah écoute, tout le monde la connaît pour ça. Va enquêter sur les meurtres de Villanelle, la serial killeuse, et va à la fois se dérouler une enquête et en même temps la relation va être vachement importante, et il y a un peu un jeu de chat et de la souris. Super bien écrit, super bien joué. Donc je disais Christine dans Grey's Anatomy, mais franchement elle peut faire tellement plus et tellement plus moins superficielle entre guillemets, moins en surface que juste une série grand public ABC Family quoi. Et Villanelle est jouée par Jodie Comer, une actrice anglaise, et il y a masse d'actrices anglaises fantastiques dans cette série. C'est aussi écrit par Phoebe Waller-Bridge, l'autrice et la comédienne de Fleabag. Très bonne série. On a déjà parlé, il me semble, mais je suis pas sûre. Et qui va aussi travailler sur le prochain James Bond, dont on aurait pu parler d'ailleurs, parce qu'il y a eu l'annonce des acteurs. Oui, mais Osef... allez sur Twitter et vous verrez, il y a Ben Whishaw. Oui, il y a alors, oui, ok, il y a Ben Whishaw, mais ça va jamais être ce que je rêve d'être un James Bond, donc c'est-à-dire Paddington avec un costume qui va voir les méchants et qui dit... Moi, je veux que Ben Whishaw soit James Bond. Qui va voilà, dire Paddington en agent secret qui, au lieu de tirer des balles et de tuer des gens et de faire le machiste avec tout le monde, et ben, il va plutôt dire aux méchants et aux James Bond Girl, dire bah, si je vous donne un sandwich à la marmelade, et ben, le monde sera plus gentil. Oh. Et voilà, voilà comment devrait être James Bond et pas. Bah, peut-être que Paddington 3, ce sera un truc d'espionnage écrit par Phoebe Waller-Bridge. Mais ce serait génial. Mais... Donc, Killing Eve, voilà, très bonne série. Très bonne série qui ne... Enfin, il y a que du positif qui sort sur cette série, que ce soit les critiques ou le public ou quoi. C'est vraiment très, très, très, très, très, très, très bien écrit. C'est extrêmement bien joué. C'est super joli aussi, visuellement. La musique est ouf. D'ailleurs, la musique a remporté un BAFTA hier soir, que j'ai totalement raté les BAFTA, mais j'ai juste vu qu'elle avait remporté meilleur Et ceux qui sont jaloux de ceux qui ont gagné des BAFTA, ils vont se dire « Oh, les BAFTAR !» Voilà, je laisse un blanc parce que tu peux faire mieux. Toi, Victor, qu'est-ce que tu nous recommandes comme série ? Alors, moi, la série, c'est une découverte toute fraîche que j'ai eue. C'est la semaine dernière sur Netflix. Alors, c'est une série qui s'appelle I Think You Should Live with Tim Robinson. C'est une série qui a été créée par Zach Cannon et Tim Robinson, donc membres du groupe humoristique Lonely Island. Et donc, qu'en plus, on a découvert cette série en plein Spring Break. Les vrais savent pour la référence au groupe. Okay. C'est une compilation de sketchs en 6 épisodes, il me semble, voire 8, qui prend le point de départ suivant. Et si on étirait au maximum une idée absurde et débile qui servirait de point de départ à un sketch ? Et donc, par exemple, ça peut être la revanche d'un homme 40 ans plus tard, après avoir subi un vol d'avion aux côtés d'un bébé pleurant, sans cesse. Ça peut être le pilote foireux d'un jeu télévisé qui devient une catastrophe. Ou alors, c'est un musicien de foire, de cirque, qui joue de l'orgue à un enterrement. Et chaque épisode, c'est un sketch différent, en fait. Non, c'est une compilation de sketchs, en fait. C'est genre, pendant un quart d'heure, t'as plusieurs petits sketchs. Et il y en a généralement un qui dure plus longtemps. Et chaque épisode, c'est une compilation. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un thème à chaque épisode ? Non, non. Des fois, ils essayent de... Donc tu peux regarder dans le désordre et tout, on s'en fout. Ouais. Okay. Des fois, ils essayent de faire des petites amorces en début d'épisode avant que le générique arrive, mais ça arrive genre une ou deux fois. Ouais. Mais c'est souvent, ça reste très flou sur le... Comment ? Sur le pourquoi de cette scène et quand elle arrive... Ça revient de manière tellement absurde et inattendue que ça arrive quand même à te faire mourir de rire. Faut que j'en regarde. Et le tout, c'est que c'est accompagné de guests vraiment sympas. T'as Vanessa Boyer du Saturday Night Live. Mmh. T'as Steven Yeun. Ah, oui. Donc, qu'on adore tous. Steven Yeun. R.I.P. Glenn. Ça, c'est pour les... T'as réussi à caser les deux séries les plus populaires. Et celle que je regarde absolument pas dans cette émission. On a Will Forte, Andy Samberg. Évidemment. Et on regarde vraiment les sketchs, c'est une vitesse folle. J'ai dû regarder ça en deux jours. Tu peux même faire ça en une soirée. Mais ouais, ils aiment bien le format épisode de 15 minutes. Ouais, parce qu'il y a Special et Bonding aussi. Bonding. Bon. Je connais pas. On éclate de rire tout en sombrant dans le malaise absolu, mais c'est pas, quand je dis malaise, c'est pas des sujets non plus trop hardcore, donc ouais. Il y a pas, par exemple, je vais pas crier au trigger warning, c'est, vous pouvez regarder ça sans aucune crainte, ouais. C'est juste une situation awkward qui est tirée jusqu'au bout, et moi c'est ma recommandation de série du mois, Et juste pour le dernier sketch de la saison qui mêle problème d'alcoolisme et Garfield, c'est le 10 sur 10 assuré. Est-ce que tu as autre chose à nous recommander ? J'ai deux films à recommander. Deux films. Je t'en prie. Qui aurait pensé que la chute d'un politicien espagnol serait aussi spectaculaire que The Rock, copain avec un gorille géant ? Alors, non. Personne. Pourquoi tu compares ça à... Alors, personne, sauf Rodrigo Sorogoyen, réalisateur espagnol qui avait fait sensation à la presse, sauf pour moi, avec son précédent film Que Dios nos perdone. Donc là, après le polar morbide, il revient avec un thriller politique carburant 200 à l'heure. Mmh. Donc ce film, c'est El Reno. On suit la chute grandissante de Manuel, un politicien corrompu qui va tenter de sauver sa peau après qu'a été révélée son implication dans une affaire de paradis fiscaux. Et alors j'ai adoré, je m'attendais absolument pas à prendre autant une claque pareille. Donc on pouvait craindre le drame politique à la House of Cards, montrant ô combien la politique est un milieu véreux avec les regards caméra complices ironique. D'un anti-héros dont on dirait pas le nom de l'acteur. Et ouais. Si évidemment la politique n'est pas montrée sous son jour le plus flatteur dans les Reno, Sorogoyen, il va vraiment mettre en scène cela comme un pur film d'action extrêmement vénère. Donc t'as des accidents de voiture, t'as une course contre la montre, et non, c'est pas Tom Cruise à Paris, mais Antonio de la Torre qui joue ce rôle, mais impressionnant, de sang très chaud, là, c'est pas du sang froid, hein. C'est le mec, il pète des plombs tout le long. Donc cet acteur-là, on l'a déjà vu chez Pedro Almodovar dans Volver et dans... Balade, excellentissime balade à tristé de Alex de la Iglesia. Alors ça, c'est le truc avec les clowns, ça. C'est le film avec les clowns, ouais. C'est excellent. L'acteur, il nous attrape par une performance qui est constamment inquiète. Il est sur les nerfs, il y a ce plan séquence de dingue dans une fête de jeunes. Oui, ouais. Où on une est fête de jeunes, Victor a 45 ans. une boum. Une boum, une teuf, comme on dit. Donc ça provoque forcément une empathie qui est facilement remise en question tout du long. Donc c'est du lourd, c'est du très très lourd, très, très lourd. C'est du film complètement vénère. C'est sorti depuis le 17 avril au cinéma, et si vous êtes féru de cinéma d'action, vous pouvez vous faire un combo avec le film dont Jade va vous parler, car vous serez servi en grand spectacle. J'ai deux questions. T'avais pas dit que t'avais deux films à recommander ? Oui, mais tu en as aussi un. Ah, je voulais faire ma transition. Ah, mais pourquoi t'as comparé El Reino avec Rampage ? Parce que, alors déjà, j'aime bien les hyperboles. J'aime bien les hyperboles, et puis c'est quand même un film de grand spectacle. Il n'y a pas de gorille géant qui fait des doigts d'honneur. Non, voilà. D'accord. J'étais bloqué sur ce détail. Je me dis, attends, j'ai raté cette scène. Mais il y a quand même un côté grand spectacle modeste et que vous pouvez voir en tant que très bon divertissement. Oui, c'est excellent. Mais vas-y, fais ta deuxième recommandation. Je terminerai avec. Ah, donc ma transition est foutue, d'accord. Oh, t'avais une transition. Mais c'était ma transition pour que tu parles d'Avengers. C'est pas grave, j'en parlerai après. De toute façon, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors moi, alors c'est ma deuxième recommandation, c'est un film que j'ai vu hier au cinéma. Mm-hmm. C'est Monrovia Indiana de Frederick Wiseman, qui est un documentaire filmant une ville rurale aux États-Unis. C'est une ville où 76%, on sait que 76% de la population de cette ville a voté pour Trump. Ça donne le ton. Mais en fait, ce qui est génial, et c'est ça qui me... Faut vous regarder les films de Frederick Wiseman si vous avez une après-midi à Paris, parce que ces films sont très, très, très, très, très, très, très, très longs. Celui-là, c'est très court, hein. Ça a juste la petite durée de 2h26. Oh, ça passe. D'habitude, ça entre dure... Entre midi et deux, comme ça. Voilà. Tranquille. Ça dure 3h, voire 4h parfois. Ouais. Et c'est vraiment moi, en fait, ce qui me fascine avec ce... avec le style de Wiseman, c'est qu'il filme. En fait, c'est vraiment un mec qui va filmer. On comprend que son film va parler d'un sujet par la ville, par le quartier ou le lieu qu'il va filmer comme sujet de documentaire. Ça va former les sujets, les questions, mais lui va pas du tout avoir son mot à dire en fait. C'est totalement objectif. C'est totalement objectif. Il va filmer vraiment l'intérieur de cette ville. Il va filmer les réunions administratives de la ville. Il va filmer le magasin d'armes avec les clients habituels qui se connaissent. Il va filmer le bar. Il va filmer le supermarché. Il va filmer la fête du quartier. Et avec toutes ces petites choses qu'il filme du quotidien, il va même filmer, ça c'était mon petit plaisir, un orchestre de lycéens qui joue la musique des Simpsons. Donc forcément j'étais content. J'ai remarqué, dans beaucoup de trucs où on voit des orchestres de lycée, ils jouent tout le temps les Simpsons. Mais c'est parce que les Simpsons c'est la vie, c'est la classe. Ça doit être un truc, ça doit être une musique. C'est la classe notes, à Dallas et non Springfield. Où j'en étais, voilà. Alors. Pardon. Ouais. Pardon. Pas de souci. Et il va filmer vraiment ça sans jugement. Il n'y a pas ce. Au cinéma américain, maintenant, on a toujours des films qui vont parler des problèmes. C'est important qu'il faut en parler, hein, de Trump, de sa politique et de qu'est-ce qui influe chez lui, chez son électorat. Mais là, il va juste montrer les choses telles qu'elles sont, en fait, à comprendre, à te faire. Pas forcément accepter, mais à te faire comprendre comment il y a des villes aux États-Unis qui sont vraiment ancrées dans leur tradition. Il y a beaucoup de passages qui fonctionnent comme des rituels dans le film. Le film s'achève. On va pas dire qu'il y a du spoiler à Chauffeur et Dick Weisman. Est-ce que tu peux spoiler un documentaire de 3 heures? Pas sûr. Voilà, le film se termine vraiment sur un enterrement. Donc, oui, c'est pas le truc le plus funky du monde. Ouais. Mais il va filmer ça de manière très solennelle, avec vraiment une attitude très pieuse de la part de ces habitants-là. Et ouais, moi je trouve que c'est vraiment un super panorama d'un état d'esprit des États-Unis qu'il ne faut clairement pas oublier, qu'il ne faut clairement pas traiter avec condescendance, hein, comme on peut le voir dans les émissions, par exemple, style John Oliver ou au Daily Show, où ça va vraiment les traiter de plouc. Hein, Et d'ailleurs, c'était un petit peu gênant dans la salle parfois d'entendre certains rires pour des trucs qui étaient pas forcément drôles et que il devait avoir de la comédie. Apparemment, c'était juste parce que c'était pas les mêmes valeurs que les publics dans ma salle, qui était composé à 95% de vieux. Mais c'est vraiment un film qui m'a impressionné par sa démarche. Et c'était le premier Frédéric Weisman que je voyais en salle. Donc j'étais assez ému de voir son travail sur un plus grand écran. Et je vous recommande d'ailleurs In Jackson Heights, qui est un peu le contrepoint. Enfin, il dit toujours que toute sa filmographie est un seul et même film. Mais c'est assez marrant de voir les deux films en contraste. Où dans Monrovia, Indiana, on filme une population très blanche. Très pieuse, très, très américaine. Et In Jackson Heights, en fait, c'est le quartier de Jackson Heights à New York, qui est le quartier le plus multiculturel de la ville, en fait. Et il a filmé plusieurs communautés. La communauté LGBT, la communauté musulmane. Et il va vraiment filmer tous ces quartiers dans leurs réunions. Et c'est passionnant. Je trouve qu'il y a pas meilleur documentaire. C'est quoi le titre tu peux rappeler le titre du film, la sortie en avril? J'oubliais. Monrovia, Indiana. Ok. Eh ben, allez voir Monrovia, Indiana. C'est encore en salle. Vous l'avez peut-être. Un film plus long que Monrovia, Indiana, d'ailleurs, ce qui est une première pour un film de Frédéric Weisman. Film plus long, un film plus. Avec plus d'argent, peut-être. Un film plus grand public et plus boum boum, explosion, action, super-héros. Et alors, dans Monrovia, Indiana, il y a des tracteurs et il y a des... Il n'y a pas de tracteurs dans le film dont je veux parler. Il y a des tracteurs, il y a une scène très dure. Moi, j'étais un peu genre... Ah, où on voit un chien se faire opérer et il montre tout. Il y a de la violence quand même et des sensations fortes chez Frédéric Weisman. Oui, mais il n'y a pas de bagarre et il n'y a pas... Il n'y a pas Thanos. Il n'y a pas de mec géant violé. Ou de mec géant vert qui fait des dabs. Et c'est pas un spoiler, c'est bon. Et un super-héros qui joue à Fortnite. Oui, c'est bon, c'est pas un spoiler non plus. Mais on ne spoilait pas le endgame, parce qu'évidemment, ma recommandation du mois, c'est évidemment... EA Sports. It's a game. La référence des années 2003. Si vous avez joué aux Sims, vous savez. Oui, évidemment, quand il y a un film Marvel qui sort dans le mois, ce sera forcément ma recommandation du ciné. Et encore plus quand c'est Avengers. Et encore plus quand c'est Avengers Endgame, qui dure 3 heures, mais c'est 3 heures de pur plaisir, un ascenseur émotionnel de fou. J'étais surexcitée. Avant d'y aller, je sautillais sur place, j'avais des convulsions. Tu demanderas à Eve, parce que j'ai été le voir avec Eve. J'étais folle furieuse avant le film et pendant le film. Et je crois que c'est la première fois que, enfin, il y avait une genre d'osmose avec le public dans la salle. On a applaudi en même temps, on a pleuré en même temps, on a rigolé en même temps. Enfin, c'est vraiment, c'était fou comme expérience. Et au-delà de ça, le film, il est... de toute façon, je pense que vous voyez, si vous ne l'avez pas vu, tout le monde le dit, il est génial. C'est un truc avec les hommes bleus, c'est ça ? Je ne suis pas très au courant. Ouais, il y a à peu près 9 suites qui vont arriver, ou un truc du genre, il y a, je sais pas, 2 milliards au box-office. Non, mais d'ailleurs, donc oui, je disais... enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est totalement oufissime, ce film, qu'il est génial. Évidemment, il n'est pas parfait, mais c'est un film presque parfait. Je lui mettrai la note de 8 sur 10 pour la l'ambiance. Présentation. Pour l'ambiance. 10 pour l'ambiance, 8 pour le repas, et peut-être 9,5 pour la présentation, parce qu'il y a des trucs à redire. Mais faudrait faire un remix du thème d'Anime Presque Parfait avec celui d'Alan Silvestri. Les films presque parfaits. Mais oui, donc... Il faut qu'on le dépose avant que quelqu'un nous vole l'idée. Mais donc oui, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est fou, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a quelques petits défauts. Il est exactement ce qu'on demande, et plus encore. Enfin, franchement, il coche toutes les cases, quoi. Pour parler un peu chiffres, dans son premier week-end... Juste chiffres, cette fois-ci. Mince. Pour son Pensez premier... à toi, Laurent pourtant, Romichko. Pourtant, j'adore des chiffres et des lettres. Mais juste chiffres, là, il est sorti depuis mercredi, il est sorti depuis vendredi aux États-Unis. Et juste pour son premier week-end, il a fait aux States... Ah non, mondial, pardon. Mondial, 1,2 milliard en un seul week-end. Et il a déjà, en un seul week-end... 2 milliards de dollars. De dollars, ouais. Et en un seul week-end, il a explosé le box-office... Total international de Justice League. Donc, t'as dit total, donc je dirais Shell et Elf. J'ai pas compris. Ah, putain. Je ne comprends pas. Je n'expliquerai pas cette vanne. Si vous l'avez, vous l'avez. mais oui, donc c'est, ça veut rien dire les chiffres. Enfin, si, quand même, ça veut quand même dire qu'il y a plein de gens qui vont être voir. Mais je veux dire. Ça veut dire que Mickey maintenant, il est plein aux as. Il a les poches pleines. Mais il va pouvoir offrir des cadeaux à Minnie. Comme dans Mickey Noël. Trop référencé aujourd'hui. Mais franchement, que moi je suis très fan des comics, des comics Marvel. Non mais que vous soyez fan hardcore des comic books, que vous en foutiez total ou que vous connaissiez même pas le MCU, que vous allez juste voir un film parce qu'il y a le mec là que je connais dedans, et ben franchement il y avait José Garcia dedans, donc j'ai vu Chamboule petit tout. Caméo peu, franchement ouais. Il était au fond d'une scène, mais ça faisait plaisir de j'ai voir vu comme Chamboule la France tout, mais bon. Non franchement c'est il arrive à plaire au plus grand public. Enfin, je pense, à mon humble avis, des gens qui n'ont pas forcément d'affinité avec les super-héros, ces personnages ou l'univers Marvel. Et en même temps, il arrive à moi me satisfaire et me donner de l'espoir pour la suite. Mais genre, j'avais envie de rester dans cet univers encore. Les 3 heures, elles sont passées comme ça. Elles sont pas super sont vite. Super vite. C'est, j'avais envie de. Je veux la suite maintenant. Je voulais rester dedans. Je voulais retourner le voir. J'ai pas vu le film avec toi alors qu'on avait vu Infinity War ensemble. Ouais. Moi, je l'ai vu dans un autre cinéma, dans une séance aussi qui était pleine à craquer. Les gens étaient vraiment en feu, en larmes. Tous en fuyant. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est ouf, en fait, c'est que il y a vraiment un côté très... Pardon. Victor est en train de mourir, il sait tout. Il y a un côté qui est très communion un peu de tous. Et moi, voilà. Moi, je suis quand même super... Alors, on s'inquiète tous un peu... beaucoup s'inquiètent de se dire que forcément les milliards de dollars que Disney va emporter, ça va encore donner plus de pouvoir à Walt Disney pour écraser Hollywood. Mais d'un autre côté, moi, je suis quand même fasciné et à la fois ravi de voir autant de gens se déplacer et avoir la banane d'aller au cinéma, tu vois. Genre là, tout le week-end, je suis allé voir d'autres films à côté d'Avengers la semaine dernière. Et tu voyais, par exemple, pour les séances de 17h, alors que ma séance a été genre à 15h30, 15h50, tu voyais déjà que c'était... Il y avait un monde de fous pour attendre ces séances. Les gens avaient réservé leur place. Bah, il y a eu des séances de minuit aussi, voilà, où ils faisaient Infinity War et à minuit, c'était Endgame. J'aurais kiffé aller. Oui, moi aussi, j'aurais kiffé. Aimé. Mais ouais, c'est fou. Et puis, d'autant plus, personnellement, de voir qu'un truc, en l'occurrence les super-héros et Marvel Comics et tout ça, des trucs qui m'ont autant touché qui ont grandi avec moi, qui font partie mais vraiment de ma culture et de mon éducation et tout, qui sont vraiment si importants pour moi, ça fait vraiment très nerd, geek, chiante, mais des trucs qui sont aussi importants pour moi, voir qu'il y a plein d'autres gens qui les aiment et ça les fait kiffer autant que moi, ça peut me faire kiffer, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec les Spider-Man récents, hein. Ah, ça sent le vécu d'une séance, ça. Ou, qui disent oh, c'est pas comme dans les comics. Ouvrez un dictionnaire, regardez le mot adaptation, lisez la définition et arrêtez de nous faire chier. Mais non, ça mais je veux clash. Dire, même si t'es pas satisfait de comment il représente ton personnage préféré, moi je sais que c'est le cas pour moi. J'ai quand même surkiffé et c'est quand même trop bien et c'est quand même à la fois il y a des messages un peu profonds et tout, et à la fois c'est si tu veux juste voir de la bagarre, et ben tu vas juste voir de la bagarre, c'est ça plaît. Si tu veux voir de la bagarre, toi t'es servi. Si tu veux voir du dab, t'es servi. Si tu veux voir Fortnite, t'es servi. Et si tu veux voir Rick Harrison de la série de l'émission Pawn Stars, tu es servi. Ça fait beaucoup de spoilers. Mais oui, donc évidemment, je vais pas vous faire l'affront de vous dire d'aller voir Avengers Endgame, parce que je suppose que soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez le voir. Mais allez voir Avengers Endgame, parce que c'est vraiment... Quand les gens disent que c'est le meilleur film de super-héros jamais fait, je pense que c'est un peu vrai. Je pense qu'on n'est pas dans l'exagération. Je pense que c'est vraiment récompense. C'est vraiment une culmination de 22 films. Non mais quoi. Moi c'est un truc qui m'a vraiment. Il y a eu le côté. Moi en fait pendant le film, voilà, faut savoir que moi le Marvel Cinematic Universe, quand j'étais en début de licence au lycée, je faisais un peu le mec genre, je vais pas aller voir ça, je préfère aller. C'est pour les masses. C'est pour voilà. Les et en fait, j'étais un petit con à cette époque. Ça se trouve, je trouve toujours que je suis un petit con. Non. Mais depuis certains temps, voilà, on se fait à l'idée que ces films seront là. Et maintenant, on se perd plus la tête. On va aller voir, on est content d'aller. Ça fait partie. En vrai, ça fait partie de notre culture et du monde. Voilà. Quoi. C'est fou. Puis moi, c'est vraiment un truc qui m'a fasciné pendant les 3 heures de film, c'est que j'ai eu le côté quand ils font Avengers Assemblement et tout, c'est tellement bien et tout. T'as envie qui. T'as les poils et tout. T'as envie qui te casse la gueule à tout le monde et tout. C'est trop bien. Et d'un autre côté, moi, je trouvais que là, le film, il sort, on est en 2019. Le Marvel Cinematic Universe a commencé en 2008 avec Iron Man et l'incroyable Hulk. Qu'on a tous oublié. Ouais. Mais il y a vraiment un côté état des lieux du blockbuster des années 2010 dans ce film, en fait. T'as vraiment toutes les techniques, toutes les schémas de narration, tous les artifices d'écriture, tout est là-dedans, condensé, et ça, c'est ça, et ça, super état des lieux. Moi c'est par exemple. C'est une belle conclusion voilà. À tout ce qui a précédé. Enfin, t'as l'impression qu'ils avaient tout écrit, les 22 films en un coup, quoi. C'est vraiment. Quand. quand je suis allé, moi, il y a, enfin, j'ai vu le personnage de Howard Stark, Oui. donc qu'on a déjà vu dans Iron Man 2, qu'on a déjà vu dans un autre Je Marvel. ne sais plus. Je crois que c'est dans Captain America qu'on le voit aussi. Oui, c'est ça. Et là, tu vois que tu vois apparaître un John Slattery, voilà, Roger dans Mad Men, on t'embrasse, qui apparaît tout rajeuni. Et c'est juste des petits trucs comme ça, les gars. C'est quand même les films Marvel qui ont popularisé le rajeunissage numérique. Rajeunissage, pas sûr de ce mot. Pas sûr de rajeunissement, Rajeunissement, ouais. voilà. J'en perds mon latin, comme on Oui. dit. Mais un truc aussi, pour finir, parce qu'on est très long sur Avengers, c'est pas un podcast de review d'Avengers, mais un peu quand même. Mais juste un truc qui m'a fait que j'ai. Un truc qui m'a fait vraiment aimer le film, c'est que j'avais vraiment l'impression de voir un comics, enfin une BD, à l'écran. C'est vraiment les mêmes systèmes narratifs, les mêmes systèmes d'action, de schéma narratif et tout. Et c'est vraiment. C'est, tu sens le que c'est honnête, quoi. Enfin, autant que ça puisse l'être, quoi, vu qu'il Ouais. y a quand même une grosse machine à sous derrière. Mais tu sens qu'il y a vraiment un amour de Avengers, de Marvel, des BD, des personnages et tout. Et ça fait du bien, c'est que du positif. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Eh bien, merci. Merci Victor, Merci. encore une fois, d'avoir ouvert la salle avec moi Merci juste à pour ce toi pour rattrapage. cette présentation, cette ouverture. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, nous laisser 5 étoiles sur iTunes si vous voulez, vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Vous savez comment ça fonctionne, Si vous l'Internet. nous mettez 5 étoiles, eh ben on vous envoie un Hulk qui dab. Bah, On est on va marqué. ouvrir un store Redbubble, tu sais, avec de la marchandise et tout, et on va mettre que ça, une mini figurine de Hulk qui dab. Et on va se quitter d'ailleurs, justement, on parle d'Avengers, on parle de Hulk, on va se quitter sur une musique La musique de la série Hulk Oui, de exactement, 80. on se quitte sur ça. Et à bientôt pour de prochaines émissions, et à dans un mois pour un prochain rattrapage. Thank you. Spring Breaker. Oh. Spring Break Cancun. Putain, les vidéos de Spring Break, c'est l'enfer, quoi. Les Spring Break français, surtout, non mais... Déjà, alors... l'aperçu, ça vend du rêve. C'est celle-là, il me semble. Franck. Il met Franck, il est génial. Merde. Ah. Ah, j'ai fait une connerie. Quel archi vieux de Rockton. C'est qui le... C'est... Ah, c'est un Lonely Island. Ouais. Cette blague prend beaucoup trop de place dans ce clip. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure là.